Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. À la réalisation Marie Placé, prise de son Anthony Thomasson. Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri. C'est le troisième jour de notre série consacrée à Karl Marx à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Nous poursuivons notre réflexion sur la nécessité et la pertinence d'adapter la pensée marxienne au contexte économique et social d'aujourd'hui. Si les théories de Marx et Engels intéressent encore les penseurs, au-delà des opinions politiques auxquelles elles sont associées, c'est parce qu'elles sont à la fois héritières d'une longue histoire philosophique et fondatrices d'une nouvelle tradition critique du capitalisme. Une tradition critique des rapports sociaux, mais aussi, et c'est peut-être moins connu, de ses conséquences sur la nature. En tout cas, c'est la lecture qu'en fait le philosophe Henri Peignaruiz. La nature serait-elle aussi victime du capitalisme qui épuiserait ses sols, tout comme il épuise la force de ses travailleurs? Derrière ce parallélisme réapparaît la double menace sociale et écologique d'un capitalisme prédateur. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du Marx écolo en compagnie du philosophe et écrivain, auteur de Karl Marx, penseur de l'écologie, qui vient de réapparaître aux éditions du Seuil, Henri Peignaruiz, qui est avec nous en direct et en duplex de Valence. À 14h50, vous retrouverez les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Henri Peignaruiz, bonjour. Bonjour. Alors, votre ouvrage commence par cette question, cette problématique. L'œuvre de Marx et Engels héberge-t-elle une conscience écologique authentique, voire une théorie écologiste accomplie? Alors, est-ce que effectivement, on peut lire dans la tradition marxiste quelque chose de l'ordre d'une pensée précurseur en matière d'écologie, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'il a imaginé une vraie théorie écologiste? Écoutez, texte en main, si on essaie de lire ce que Karl Marx et Friedrich Engels, il faut aussi le mentionner, car il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de leur théorie commune, eh bien ces deux penseurs ont vraiment pensé la question écologique, c'est-à-dire la question du rapport de l'humanité à la nature. Je dis bien de l'humanité, évidemment il n'y a que des peuples à leur époque, comme aujourd'hui. Mais le propre de la question écologique, c'est qu'elle est planétaire et que par conséquent, elle doit mettre en jeu une sorte de conscience de soi, de l'humanité dans son rapport à la nature. Et on peut dire, effectivement, pour répondre à la première partie de votre question, qu'il y a, chez Marx et Engels, une théorie du rapport de l'homme à la nature, une théorie qui assume les problèmes de l'écologie. Alors avant et on peut même dire... Oui, pardon. Avant d'être un rapport effectivement à l'écologie, c'est un rapport à la nature qu'il interroge Marx, et c'est un rapport à la nature qu'il interroge pour avoir lu aussi les philosophes grecs. Absolument. Marx a longtemps hésité entre le droit, il était fils d'avocat, et tout naturellement, il a commencé des études de droit, et la philosophie. En fait, il en a fait simultanément, et il a rédigé une thèse, un doctorat, sur la différence entre les systèmes de Démocrite et d'Épicure. Donc le grand courant matérialiste épicurien à sa faveur. Or, l'épicurisme, comme aussi d'une certaine manière le stoïcisme, est un naturalisme. Autrement dit, on n'imagine pas philosophiquement, dans ces deux grandes pensées, que l'accomplissement de l'humanité se fasse en dehors d'un respect de la nature. Et même les stoïciens vont jusqu'à parler d'une homologia, c'est-à-dire d'une identité de rapport avec la nature. Donc le naturalisme est fréquenté par Marx dans la personne d'Épicure. Alors, un naturalisme, lapsus, qui est aussi en lien avec son humanisme. Finalement, vous n'opposez pas du tout les deux. Votre critique commence comme celle-ci, en disant finalement, peut-être que la pensée de Marx prend en compte la nature et le rapport à la nature, qui elle-même serait une sorte de victime. On a parlé beaucoup récemment des externalités négatives, écologiques du capitalisme. En réalité, ce serait un pendant des externalités sociales et de la critique sociale qu'en fait Marx. Tout à fait. Marx a une thèse centrale qui aujourd'hui, à travers la théorie des externalités, est reprise et amplifiée. Le capitalisme, dans sa soif, dans son avidité de profit, n'assume pas les coûts humains, les coûts sociaux et les coûts écologiques de sa productivité, de sa course effrénée à la logique du profit privé. Il ne les assume pas, c'est-à-dire qu'il les abandonne paradoxalement à la collectivité publique, alors que l'ultralibéralisme conteste aux États et aux entités politiques le droit d'intervenir dans la question économique. Mais donc c'est cette externalisation. Alors cette externalisation, Marx la développe. D'ailleurs, il y a un très beau chapitre du Capital qui réfléchit sur la notion de coût social, sur la notion de coût que le capitalisme n'assume pas. La fatigue nerveuse provoquée chez le travailleur par des cadences infernales, cette fatigue qui devra être soignée, traitée, le capitalisme n'en a cure. Pour l'heure, ce qui compte, c'est la course au profit. Et les dégâts causés sur la nature, par la pollution industrielle, par le réchauffement climatique que l'on connaît aujourd'hui, qui est dramatique, le capitalisme ne les assume pas spontanément. Il faut, pour qu'il les assume, le régler. Or, la dérégulation libérale est évidemment en contradiction avec cette idée de régulation. Alors, on va peut-être commencer par donner une définition de ce qu'est la nature dans les écrits de Karl Marx et de Friedrich Engels. La nature serait une forme de réservoir. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Non, parce que on ne peut pas réduire la nature à un réservoir d'énergie et de sources matérielles et de sources d'énergie et de minerais, etc. C'est en partie ça, mais c'est aussi un ensemble systématique, une totalité de choses et d'êtres qui sont interdépendants. Le milieu de vie, le biotope, pour reprendre le concept moderne, le milieu de vie que représente la nature est effectivement irréductible à un ensemble de sources et d'énergie, comme si d'ailleurs on pouvait puiser gratis, comme disait Dietzgen, le social-démocrate allemand, dans la nature. Non, on ne puise pas gratuitement. Les sources d'énergie, nous le savons, les matières premières sont limitées. Et par conséquent, lorsqu'on parle de la nature, il faut voir en elle non seulement un réservoir d'énergie et de sources matérielles auxquelles on serait tenté de le réduire, mais c'est notre demeure, la nature. C'est un milieu de vie. L'écosystème Terre est notre demeure à tous. Les nuages, le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas aux frontières. Ou le nuage de Fukushima, il ne s'arrête pas aux frontières. Donc c'est toute l'humanité qui est concernée parce que la planète est sa demeure. Et l'écosystème global de la Terre est, on le sait aujourd'hui, en péril. Évidemment, du temps de Marx, on n'en était pas là, mais Marx, à travers son analyse du capitalisme, a su, si j'ose dire, deviner des tendances à l'état naissant, et il suffisait de les imaginer dans leur état développé pour imaginer la catastrophe qui pourra advenir. Alors, il y a d'abord cette vision utilitariste quand même, pour reprendre cette image du réservoir, il y a cette idée selon laquelle le capitalisme vient puiser parmi les ressources naturelles directement, comme dans un réservoir. Là, c'est une des dimensions de la critique que fait Karl Marx, justement, du capitalisme. Absolument. C'est une dimension de la critique parce que cette appréhension de la nature est totalement réductrice. Si on oublie que la nature, c'est notre milieu de vie naturel, comme il le dit, c'est même, dans une formule saisissante des manuscrits économico-philosophiques de 1844, un manuscrit admirable, hein, qui sont vraiment essentielles pour la pensée de Marx, la nature est, dit Marx, le corps non organique de l'homme. C'est-à-dire que la nature est le prolongement du corps humain. Et d'ailleurs, Marx est très sensible à la théorie du métabolisme, c'est-à-dire de l'échange entre la nature et l'homme. Par exemple, respirer, absorber l'oxygène et expirer du gaz carbonique, ça fait partie du métabolisme. Et si un jour l'oxygène se raréfie, si la fonction chlorophyllienne de reproduction de l'oxygène ne se fait plus, c'est la vie humaine elle-même qui sera compromise. Donc, si vous voulez, il y a un destin commun de la nature et de l'humanité. Alors, la nature, il y a un destin commun. La nature fait partie justement de ce commun à l'humanité. Alors on voit dans la prise en compte ne serait-ce que des questions de nature, des questions écologiques pour utiliser un terme un peu anachronique dans la pensée de Marx, quelque chose une vision très précurseur en réalité, puisque les questions écologiques ont été intégrées très très tardivement dans la pensée économique. Mais d'un autre côté, on voit que l'écologie sert aussi d'outil critique au capitalisme notamment. On va écouter André Gors, philosophe et journaliste. Il était au micro de François Noudelman. C'est une archive de l'INA du 14 octobre 2005. Le début de cette préoccupation, ça a été écologie et politique. Oui. Pour moi, l'écologie était l'outil idéal pour faire une critique positive de l'économie. C'est-à-dire pour montrer que toute richesse, toute la création de richesse a un fondement qui n'est pas économique, qui est pré-économique, post-économique, qui renvoie à une toute autre forme d'économie ou de rapport à la nature et à la matérialité que l'économie capitaliste. C'est un thème, c'est la différence et même la contradiction entre richesse et valeur. Nous vivons avec l'économie capitaliste sous un régime où l'important, le but de toute activité n'est pas la création de richesse, c'est la création de valeur, c'est la création de choses échangeables et monnayables. Et ce qui n'est pas monnayable n'a pas de statut dans l'économie capitaliste. Donc, l'amour, l'affection, la solidarité, le soin pris de la nature, tout le qualitatif est éliminé par la rationalité de la valeur, la dictature de la valeur. Henri Peña-Ruiz, là, il y a deux dimensions chez André Gors qui méritent d'être détachées l'une de l'autre. À la fois, l'écologie serait un outil idéal pour faire une critique positive de l'économie parce qu'elle n'aurait pas la même temporalité que l'économie, notamment. Oui. D'abord, permettez-moi de dire que c'est une certaine émotion d'entendre André Gors, qui était un admirable penseur, un très grand penseur, et qui a devancé beaucoup de penseurs qui, aujourd'hui, essaie de travailler justement sur l'écologie chez Marx. Alors effectivement, André Gors souligne deux choses essentielles. C'est que le fait d'être omnubilé par l'échange lucratif fait que l'on privilégie la valeur d'échange et qu'on délaisse la valeur d'usage. D'ailleurs, Karl Marx signale que le capitalisme a tendance à développer les branches de production uniquement lorsqu'elles sont lucratives. Mais il peut arriver qu'elles soient beaucoup moins lucratives, mais qu'elles répondent quand même à un besoin essentiel de la population. Et à ce moment-là, on a tendance à les délaisser de plus en plus. Par exemple, aujourd'hui, prenons un exemple actuel, délaisser des petites lignes de train SNCF, donc sous prétexte qu'elles ne dégagent pas de bénéfices, voire même qu'elles coûtent, c'est assez inimaginable, parce que ça veut dire qu'on ne juge des équipements qu'en fonction du profit qu'ils permettent de faire. On et d'un profit au passage immédiat, il y a la question de la temporalité. Oui, puisque la question de la temporalité, elle existe aussi dans la nature. Il y a le profit immédiat qui peut être fait d'une exploitation, par exemple, forestière, etc. Et l'idée qu'on peut avoir à long terme de la nécessité de laisser la nature, de laisser à la nature le temps de reproduire ses cycles et de reproduire aussi ses propres ressources. Tout à fait. Alors, par exemple, chez Marx, l'exemple de la sylviculture est mis en valeur par Marx dans le Capital. Il dit, au moins avec la sylviculture, donc la culture des arbres et leur reproduction, on ne peut pas contourner les cycles naturels. Et la soif de profit immédiat est tenue en échec, parce que là, la nature se rappelle à l'homme avec ses rythmes propres. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur cette temporalité. Il faut respecter les cycles naturels. D'ailleurs, la tradition de la jachère et de l'assolement triennal, où on laissait reposer une terre pendant une année, et après on faisait se succéder deux types de cultures différentes, ça le montre aussi qu'on prend en charge, presque spontanément, presque intuitivement, l'idée que la nature doit reproduire ses sources de fertilité. Alors, ce que ne fait pas un capitalisme soucieux de profit immédiat. Henri Peignaruz, André Gorz disait aussi que l'écologie est une autre forme de rapport à l'économie et à la nature, puisqu'il y a cette question de la valeur qui est mise en avant par le capitalisme, et non de la création de richesses. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction, notamment chez Marx ? C'est très important, parce que Marx lui-même, lorsqu'il distingue dès le premier livre du Capital la production de valeur d'usage, qui correspondent à un besoin réel, et la production de valeurs d'échange, qui correspondent à une perspective de profit, il insiste sur les valeurs d'usage. Et d'ailleurs, il souligne l'aberration des crises de surproduction, où, dans ce cas-là, on a tendance à développer de façon excessive des productions parce qu'elles sont lucratives, alors que peut-être elles peuvent ne pas correspondre à un besoin réel. Ou alors, elles peuvent ne pas correspondre aussi à un pouvoir d'achat réel des consommateurs. Et Marx est sans doute le premier à dire, et c'est assez admirable dans l'introduction à la critique de l'économie politique, le texte de 1857, il dit « La production ne produit pas seulement un objet pour le consommateur, elle produit le consommateur, elle produit la consommation. Parce que en produisant un objet qu'elle va offrir, à la convoitise éventuelle des consommateurs, eh bien, elle est dans l'inversion du cycle naturel. Le cycle naturel, c'est qu'il y a des besoins. Alors là, on va reprendre ça, c'est peut-être des idées que l'on a beaucoup développées plus tard, à savoir, au lieu de simplement satisfaire des besoins, alors que l'on imagine comme étant des besoins nécessaires à la survie, que l'on caractérise comme tel, le capitalisme va créer des besoins, créer de la demande. Oui, absolument. Le capitalisme est une économie de l'offre. Alors que, évidemment, une économie fondée sur la satisfaction des besoins doit être une économie de la demande. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire surgir un jour des objets qui nous permettront de mieux satisfaire des besoins. Et à ce moment-là, effectivement, il sera légitime que la consommation évolue. Mais cette fixation sur la valeur d'échange inverse le cycle naturel d'une économie qui est d'abord faite pour satisfaire les besoins humains et non pas pour l'accumulation de richesses. Alors on va peut-être reprendre un peu de contexte historique, Henri Peignaruz. Au moment où Marx écrit, il a sous les yeux les conséquences de la révolution industrielle, en tout cas celle du 19e siècle. Il a sous les yeux des pays capitalistes qui ont laissé de côté la question écologique. On sait d'ailleurs qu'ils le feront pendant de nombreuses années, la critique du capitalisme vient comme la critique écologique vient au sein d'une critique globale du capitalisme, qui est aussi une critique du profit privé au détriment du bien commun. Alors, comment s'inscrit la nature justement dans cette analyse du bien commun ? Eh bien, la nature, c'est sans doute d'abord le premier de nos biens communs. C'est notre milieu de vie. C'est un biotope que l'on ne peut plus localiser désormais, puisque, bon, j'évoquais tout à l'heure l'exemple de la pollution. Une génération de Japonais va subir les conséquences de l'irresponsabilité de TEPCO et de Fukushima. Les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières des pays. Donc ça veut dire que la question écologique se pose à l'échelle cosmopolitique. Il faut une vision cosmopolitique, c'est-à-dire à l'échelle du cosmos, à l'échelle du monde. Et si nous sommes citoyens du monde, nous le sommes aussi pour des raisons écologiques. Alors, effectivement, la nature est un objet de préoccupation constant dans l'œuvre de Marx. Depuis le naturalisme d'Épicure, et n'oublions pas que une des maximes d'Épicure, dans son éthique de vie, c'était le rien de trop. Le juste assez, la théorie de la juste mesure, qui s'opposait à l'hubris, c'est-à-dire à la démesure. Eh bien, il y a une hubris du capitalisme qui tend à produire, en étant déconnecté des besoins réels, à multiplier les productions. Et c'est cette hubris que Marx dénonce, parce que c'est une hubris, c'est une démesure qui ne permet pas de satisfaire les besoins réels. D'ailleurs, Marx, s'il avait à arbitrer le débat entre croissant et décroissant, c'est-à-dire entre partisans de la croissance abstraitement définie et partisans de la décroissance abstraitement définie, dirait que c'est mal posé le problème. Le vrai problème, c'est de savoir dans quelle branche il convient de développer la production et dans quelle branche il convient de ne pas le faire. N'oublions pas qu'à l'époque de Marx, et ça diffère sensiblement de notre époque, on était encore à certains égards dans une économie de rareté. Nous sommes maintenant dans une économie d'abondance. Et il faudrait effectivement que le capitalisme soit tempéré, soit modéré, soit régulé, ce que l'idéologie néolibérale ne veut évidemment pas. Alors, on est dans une économie de l'abondance et pour une raison notamment, c'est qu'il y a eu du progrès technique. Et ce progrès technique, il apparaît dans la critique de Marx et il apparaît sous la forme d'un détournement du progrès technique vers une exploitation des hommes, mais aussi de la terre, au sens global du terme. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a cette phrase admirable dans Le Capital où Marx dit, à propos du capitalisme en agriculture, « Le capitalisme n'épuise pas que les hommes ». Il épuise aussi la terre. Et cette phrase, dans ces deux temps, dit quelque chose d'essentiel de l'éco-socialisme de Marx, à savoir que c'est un certain rapport d'exploitation des hommes entre eux, des capitalistes sur les ouvriers, qui règle le rapport de l'humanité à la nature. Et par conséquent, il y a un lien de consubstantialité entre la question sociale et la question écologique. Cela est si vrai d'ailleurs que dans le manifeste du Parti communiste, 1848, Marx et Engels envisagent dans le programme de redéfinir les rapports de la ville et la campagne, et de la campagne. Et donc, il y a déjà une orientation qui va dans le sens d'une refondation écologique. Autrement dit, avec la pensée de Marx et d'Engels, on doit procéder à une double refondation de la façon de produire. Une refondation sociale, mettre un terme à l'exploitation de certains hommes par d'autres, faire advenir effectivement une économie qui répond à des valeurs d'usage, à la création de valeurs d'usage, et une refondation écologique. D'ailleurs, Marx a une formule, il dit « Nous devons gérer la terre en boni patres familias ». Il se faisait souvent des citations en latin. « En bon père de famille », sous-entendu, « Nous devons léguer aux générations à venir » une terre, une planète qui soit vivable, comme on dit aujourd'hui, soutenable. Or, si nous continuons dans cette hubris de la pollution, de la démesure, eh bien, nous compromettrons la solidarité intergénérationnelle. Et ce thème de la solidarité intergénérationnelle, il est effectivement chez Marx. Et ça, c'est quand même très important de le rappeler. Alors, on va écouter un extrait du jeune Karl Marx qui reprend une des grandes observations de Marx d'un événement lié à la nature et à l'idée de propriété. Um sich grünes Holz anzueignen, muss man es gewaltsam von seinem organischen Zusammenhang trennen. Beim Raffholz dagegen wird nichts vom Eigentum getrennt. Nur das bereits vom Eigentum Getrennte wird vom Eigentum genommen. Und trotz dieses wesentlichen Unterschiedes nennt ihr beides Diebstahl und bestraft beides als Diebstahl. Es gibt zwei Arten von Verderbtheit, sagt Montesquieu. Die eine, wenn das Volk die Gesetze nicht befolgt. Die andere, wenn es durch die Gesetze verdorben ist. Ihr habt den Unterschied zwischen Diebstahl und Sammeln verwischt. Aber ihr irrt, wenn ihr glaubt, es sei in eurem Interesse. Das Volk spürt die Strafe, aber es sieht nicht das Verbrechen. C'était donc un extrait de la scène introductive du film Le jeune Karl Marx, le film de Raoul Peck avec Auguste Diehl dans le rôle de Marx. Petite traduction de ce que l'on vient d'entendre, pour s'approprier du bois vert, il faut l'arracher violemment de son support organique. En revanche, pour les ramilles mortes, la propriété reste intacte. On sépare de la propriété ce qui en est déjà séparé. Malgré cette différence essentielle, vous appelez vol ces deux actions et les punissez toutes deux en tant que telles. Il y a deux genres de corruption selon Montesquieu. L'un lorsque le peuple n'observe point les lois, l'autre lorsqu'il est corrompu par les lois. Vous avez gommé la différence entre le vol et le ramassage, mais vous avez tort de croire que c'est dans votre intérêt. Le peuple sent la punition, mais il ne voit pas le crime. Alors, Henri Peña-Ruiz, c'était donc cette scène introductive qui fait référence à un événement particulier, qui était d'abord un événement juridique et politique. C'est l'événement autour du ramassage du bois mort. Oui, alors c'est extraordinaire que vous évoquiez cela, parce que c'est une scène qui m'a bouleversé, moi. C'est la scène introductive, effectivement, du jeune Karl Marx. Donc, la Diète rhénane vient de décider que tout ramassage, tout glanage de branches de bois mort sous les arbres sera considéré comme un délit de vol. Et le jeune Marx, qui a une culture à la fois juridique et en même temps philosophique, et qui est tout à fait sensible au sort des plus démunis, réagit par un article de la Gazette rhénane assez critique en disant « Mais voilà, on assomme une nouvelle fois les pauvres. On crée un délit là où ils se contentent de ramasser du bois mort. Ils ne veulent rien à personne, mais ça leur permet de se chauffer. Donc le droit, là, est au service des plus riches. Le droit qui devrait être un contrepoids au rapport de force, devient l'expression même du rapport de force. Et là, cette intuition initiale, je trouve qu'elle a une valeur générique dans l'œuvre de Marx. Alors, il faut c'est peut-être la question raconter du comment... droit qui est posée. Et cette question, c'est une question que Marx a toujours traitée en disant, est-ce que le droit est au service des plus puissants? Où est-ce que le droit permet de résister aux plus puissants? Alors, sur le plan formel et esthétique, le film montre justement des paysans pauvres qui ramassent le bois vert, le bois mort tombé de l'arbre. Et il y a des cavaliers qui se ruent sur eux, qui les battent à mort. Et il y a donc d'un côté ce régime légal qui s'est durci, avec un droit coutumier qui était plus en faveur finalement des populations pauvres que ne l'est le nouveau droit. Et de l'autre côté, cet appareil répressif, Henri Peña-Ruiz. Oui. Oui, tout à fait. Et Marx découvre que dans une société divisée en classes sociales, souvent l'État, la police, l'armée est au service des forces dominantes. Il dira d'ailleurs dans l'idéologie allemande, à toute époque, l'idéologie tend à être l'idéologie de la classe dominante. Nous le voyons encore aujourd'hui d'ailleurs avec la politique de M. Macron, qui est une politique pour les riches, exclusivement pour eux. Et il se permet d'ironiser scandaleusement sur les pauvres pour lesquels 5 euros... c'est quelque chose. Eh bien, Marx, déjà, avait intuitionné l'essence de cette société divisée en classes sociales. Et cette police à cheval qui se rue sur les pauvres paysans qui ramassent du bois mort, c'est le symbole même de la violence de classe. C'est le symbole de la violence de classe. Et la réaction du jeune Marx, dans la Gazette rhénane, est expressive de son engagement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que Raoul Peck a eu une idée de génie d'ouvrir le film par cette scène d'ailleurs de très violente, hein, qui est à la fois qui est terrible, quoi. Après on voit le jeune Marx qui fait un cauchemar où il rêve que certains de ses paysans sont morts pour avoir glané. Alors, ça réalité, ressemble au mouvement des enclosures en Angleterre, vous savez. En Angleterre, le mouvement des enclosures a consisté à palissader, à clore les communs, les terres communes qui bénéficiait aux pauvres dans le droit de glanage. C'est-à-dire que le capitalisme en Angleterre, comme en Allemagne, il a suivi la même voie. Alors là, la question de la nature, elle est envisagée sous un angle très fondamental, finalement, Henri Peña-Ruiz, puisque la question de la nature, non seulement elle est le pendant de la question sociale, de la question des inégalités, mais elle est même peut-être le lieu sur lequel se fondent ces inégalités, à savoir la question de comment nourrir sa population, la question de l'agriculture, de la nature, au sens propre du terme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on retrouve une thèse quand même très, très centrale dans l'œuvre de Marx, qui est le lien essentiel entre l'humanité et la nature. Or, ce lien peut différer. D'ailleurs, Engels, donc le grand ami de Karl Marx, dans « La situation de la classe ouvrière en Angleterre », ouvrage qui date de 1845 et dont Marx dit c'est un texte génial, Engels observe déjà que dans les environs de Londres, par exemple, les bourgeois possesseurs des manufactures vivent dans des endroits non pollués et que les prolétaires vivent dans des bouges avec le ruissellement des immondices dans des endroits complètement pollués. Donc il y a une sorte de géographie de la pollution, de géographie sélective et différentielle de la population. Et cette observation d'Engels, qui est assez bouleversante aussi, montre ce qu'est effectivement la question écologique à l'âge du premier capitalisme. C'est-à-dire d'un capitalisme qui n'était pas encore tempéré par des lois sociales ni des lois écologiques, qui était livré à la maxime de Guizot, enrichissez-vous, quoi qu'il en coûte à la nature, quoi qu'il en coûte aux hommes, quoi qu'il en coûte aux démunis. Et c'est cela que pointe déjà l'œuvre de Engels et l'œuvre de Karl Marx. When Karl Marx was a boy, he took a hard look around. He saw people were starving all over the place, while others were painting the town. A public-spirited boy became a public-spirited man. So he worked very hard and he read everything until he came up with a plan. There'd be no exploitation, the worker or his kin. No discrimination, 'cause the color of your skin. No more private property, it would not be allowed. No one could rise too high, no one could sink too low, or go under completely like some we all know. If Marx were living today, he'd be rolling around in his grave. And if I had him here, in my mansion on the hill, I'd tell him a story, 'twould give his old heart a chill. It's something that happened to me. I'd say, Carl, I recently stumbled into a new family. Two little children in school, where all little children should be. I went to the orientation, all the young mommies were there. Carl, you never have seen such a glorious sight. Women arrayed for the night, just like countesses, empresses, movie stars, and queens. They'd come there with men much like me, froggish men, unpleasant to see. Were you to kiss one, Carl, nary a prince would there be. Oh, Carl, the world isn't fair, it isn't and never will be. They tried out your plan, it brought misery instead. You seen how they worked, be glad you were dead. Just like I'm glad I'm living in the land of the free, where the rich just get richer and the poor you don't ever have to see. It would depress us, Carl, because we care that the world still isn't fair. Écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besserie. C'est dans la sphère de l'agriculture que la grande industrie a l'effet le plus révolutionnaire, dans la mesure où elle anéantit ce bastion de l'ancienne société qu'est le paysan et lui substitue l'ouvrier salarié. Les besoins du bouleversement et les oppositions au sein de la société rurale sont ainsi alignés sur ceux de la ville. Le mode d'exploitation le plus routinier et le plus irrationnel est remplacé par l'application technologique consciente de la science. Le mode de production capitaliste consomme la rupture du lien de parenté qui unissait initialement l'agriculture et la manufacture au stade infantile et non développé de l'une et de l'autre. Mais cette rupture crée en même temps les présupposés matériels d'une nouvelle synthèse à un niveau supérieur, de l'association de l'agriculture et de l'industrie sur la base des configurations propres qu'elles se sont élaborées en opposition l'une à l'autre. Avec la prépondérance toujours croissante de la population urbaine qu'elle entasse dans de grands centres, la production capitaliste amasse d'un côté la force motrice historique de la société et perturbe d'un autre côté le métabolisme entre l'homme et la terre, c'est-à-dire le retour au sol des composantes de celui-ci usées par l'homme sous forme de nourriture et de vêtements, donc l'éternelle condition naturelle d'une fertilité durable du sol. C'était un extrait du Capital de Karl Marx, le livre premier, chapitre 13, sur la grande industrie et l'agriculture. Et Henri Peignaruis, on voit arriver les oppositions qui sont aussi tout un rapport que l'homme a développé avec la nature et qui ne fonctionne plus avec l'arrivée du système capitaliste, à savoir, il oppose le paysan qui est devenu l'ouvrier, la société rurale qui s'est transformée en une société des villes où les gens sont entassés, et la rupture de ce lien, d'un lien de parenté qu'il fait entre justement l'agriculture nourricière et ce qu'est devenu la manufacture. Oui, alors c'est quand même un texte assez prémonitoire quand on pense à ces fermes terribles, à ces fermes qui produisent des milliers et des milliers de vaches enfermées, etc., sans aucune condition de rapport à la nature qui soit effectivement fécond, qui soit le rapport traditionnel à la nature, où l'on respectait effectivement les cycles naturels, Marx pointe effectivement ce paradoxe du développement de la société capitaliste qui va imposer, après l'avoir imposé à la manufacture classique, le mode de production capitaliste extensif, à grande échelle, avec effectivement une prolétarisation des paysans, une exploitation sans aucune espèce de limite des sols. Et je crois que là, il y a des textes prémonitoires. Alors évidemment, Marx n'utilise pas le mot écologie. Le mot écologie a été créé par le savant Haeckel en 1864. C'est-à-dire qu'il est quand même contemporain, c'est à peu près contemporain de la création par Marx de l'Association internationale des travailleurs, 64-65. Mais même si le mot écologie n'est pas sous la plume de Marx, la chose y est. Et notamment la chose, le concept y est, l'écologie comme théorie des rapports entre l'être humain et la nature, entre l'humanité et la nature, cette question est constamment présente et ce n'est pas pour rien qu'il y a un très grand chapitre sur le capitalisme en agriculture. Parce que Marx voit bien comment une certaine façon de produire, avec le privilège donné à la quantité au détriment de la qualité, avec l'externalisation des coûts pour l'homme, des coûts pour la nature, des coûts pour les travailleurs, c'est ce mode de production qui s'impose presque universellement. Alors, donc, effectivement, Henri Peignaruis, c'est un mode de production qui n'est pas simplement un mode de production, puisque l'un des projets de Marx et de Friedrich Engels, c'est de créer un système qui soit dans la lignée des systèmes philosophiques, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement une analyse critique, mais aussi une proposition positive. Et dans ce sens-là, il fait une analyse critique globale de la société qui l'entoure, à savoir pas simplement les rapports de production, mais à travers cette analyse des rapports sociaux et des modes de production, un rapport à l'espace, à la ville, aux structures urbaines. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée qui m'a semblé, au fil des relectures que j'ai faites pour écrire ce livre, on retrouve cette idée force que c'est un certain type de rapport social d'exploitation de certains hommes par d'autres qui règle le rapport de l'humanité à la nature. Et que donc, le lien entre la question sociale et la question écologique, une fois de plus, apparaît comme essentiel. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence le fait que, pendant très longtemps, notamment le mouvement ouvrier d'inspiration marxiste, et je ne parle pas du stalinisme qui fut une atroce caricature de la pensée de Marx, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais le mouvement ouvrier a donné pendant le moment au deuxième âge du capitalisme, c'est-à-dire l'âge où il a essayé de faire advenir des lois sociales pour contrebalancer la logique du profit, où on passe, où il est, le mouvement ouvrier essaie de faire passer du premier âge du capitalisme, où le capitalisme est livré à ses esprits animaux, en quelque sorte, au deuxième âge, où le capitalisme doit composer avec des lois sociales, doit s'humaniser, non pas spontanément, mais par une composition entre des lois sociales, des lois humaines, qui, comme par exemple la limitation de la durée de travail, les factory acts qui réglementent effectivement le travail dans les usines. Alors il y a aussi la question des conditions de vie. D'ailleurs, vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure. C'est surtout Engels qui pense à cette question-là, qui concerne particulièrement les villes, parce que la ville est le lieu aussi où se fait la production, où s'implantent les grandes usines. Et Engels pense notamment à Manchester, qui est l'endroit qu'il peut observer, et où se posent des questions d'élimination des déchets, d'intoxication de l'air, toutes ces fumées qui ont été décrites notamment par la littérature anglaise de Dickens, cette question des déchets qui apparaît dans les villes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Marx et Engels soulignent la pollution de la Tamise, soulignent aussi la nécessité d'une économie de restitution. C'est sous leur plume qu'on voit apparaître l'idée qu'au lieu de prélever unilatéralement des nutriments sur la nature, sans se soucier de ce qu'on fera après des déchets, il faut envisager une restitution. C'est-à-dire que les déchets eux-mêmes soient traités de telle façon qu'ils soient réintégrables éventuellement dans les cycles naturels. Donc l'idée que prélèvement et restitution doivent s'équilibrer. Vous savez, ça c'est une idée tout à fait extraordinairement moderne sous la plume de Marx et d'Engels. Quand on sait que par exemple le 8 août 2016, la planète avait déjà consommé ce qu'elle est capable de reproduire en un an. C'est-à-dire qu'il faudrait, au train de vie où on est actuellement, une planète et demie quasiment pour subvenir aux besoins d'un mode de développement et de consommation tel qu'il est maintenant. Mais pour revenir à Marx et Engels décrivant ce dont ils sont les spectateurs. Bah c'est la naissance d'une conscience collective écologique. En réalité, ils amènent à une naissance, on parle de la conscience de classe. Il y a aussi la conscience écologique avec l'idée de la transmission intergénérationnelle et l'idée qui deviendra ensuite une idée politique, qui se convertira en une idée politique. L'idée selon laquelle le capitalisme doit réparer les externalités écologiques qu'il crée. Notamment sous forme économique, c'est la notion du pollueur-payeur notamment. Alors est-ce que ces notions-là existent dès les écrits de Marx, Henri Peignard-Huysse, ou est-ce que votre lecture se veut plus écologiste que Marx ? Alors, je n'ai pas voulu forcer Marx. Je n'ai pas voulu utiliser les œuvres de Marx comme une auberge espagnole où on apporte ce que l'on veut. Ce que je crois pouvoir dire honnêtement, du point de vue de l'honnêteté intellectuelle, c'est que chez Marx et Engels, il y a la capacité de saisir non seulement la réalité effective du capitalisme de leur époque, mais aussi la réalité potentielle de ce vers quoi le capitalisme va. Et c'est la même chose lorsque, dans le manifeste du Parti communiste de 1848, Marx et Engels pointent la mondialisation capitaliste, parce qu'ils en parlent de la mondialisation. Et on dirait qu'ils ont presque sous les yeux notre mondialisation. Alors, sauf que la mondialisation signée par, observée par Marx et Engels, c'est l'idée effectivement d'un processus de plus grande ampleur, mais avec l'idée aussi qu'elle va permettre une plus grande réunion des énergies, une plus grande réunion de l'aspect collectif aussi politique qu'elle permet. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence. D'ailleurs, j'ai pointé le fait que dans le manifeste du Parti communiste, il y a une part d'éloge et une part de critique vive par rapport à la mondialisation, parce que Marx est internationaliste. Il considère qu'il y a des problèmes qui sont communs à toute l'humanité et que, à cet égard, il ne faut pas nier les nations. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il fallait nier les nations. D'ailleurs, dans les statuts qu'il rédige pour la première association internationale des travailleurs, il dit bien il faut que les travailleurs s'organisent chacun sur des bases nationales et qu'ensuite il recherche ce qui est international. Mais c'est pas du tout cela qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une négation des nations, lorsqu'elles sont trop porteuses de souveraineté populaire, de droits sociaux, etc., le grand rêve du capitalisme mondialisé, ultralibéral aujourd'hui, c'est de raturer toutes les conquêtes sociales des souverainetés populaires respectives et qui se sont faites au niveau des nations. Mais Marx, lui, ne niait pas les nations, mais il aspirait à un dépassement de l'échelle nationale vers l'international dans le sens du mieux-disant social, et non pas du moins-disant social comme on voit actuellement avec l'Europe actuelle, dans le sens d'un progrès social. Et donc, de ce point de vue, il apprécie de façon relativement positive un processus de mondialisation, mais il montre aussi que lorsque la mondialisation se fait sous l'égide du capitalisme, elle est catastrophique. À savoir qu'il rêverait, lui, d'une mondialisation sous l'égide socialiste ou communiste, où la notion de bien commun sera élargie à l'ensemble de la planète, serait élargie à l'ensemble de la planète, et où il y aurait, en quelque sorte, l'émergence d'une conscience de soi de l'humanité dans son unité, par-delà les frontières, conscience de soi, de l'humanité et de ses responsabilités à l'égard de la nature. Alors Henri Peignaruiz, est-ce qu'on peut dire que la prise en compte de questions liées à la nature chez Marx, c'est à l'évidence notamment sur la question des ressources et la question aussi de ce que le capitalisme peut faire à la nature, est-ce qu'on peut pour autant parler de théorie écologiste? On va écouter René Dumont, agronome et militant écologiste, c'était au micro de Jacques Pogam, c'était dans le Parti pris le 9 septembre 75 sur France Culture. Je préfère Malthus à Marx, c'est bien évident. Marx ne s'est pas bien rendu compte d'ailleurs de la situation qui allait se dérouler. Quand Marx a parlé au moment du manifeste communiste 1848, il y avait 1 milliard d'hommes à la surface du globe. Et jamais Marx, dans ses écrits, n'a prévu qu'un bon siècle après, on serait 4 fois plus nombreux, 4 milliards, et qu'on irait un jour à 12 milliards. Donc Marx a pu, impunément, parler de l'extrême abondance des biens pour tout le monde. D'ailleurs, Marx était un Européen. Marx ne se rendait compte que de la situation européenne, il n'avait pas une connaissance des problèmes coloniaux. Alors quand il promettait l'abondance pour tout le monde, dans le fond, il pensait l'abondance pour tous les Européens. Il ne pensait pas aux populations. Il ne pensait pas assez aux populations coloniales. Malthus, lui, a annoncé la fin dans le monde. Et hélas, si Malthus n'a pas eu raison pour les pays européens, il a raison maintenant à l'échelle mondiale, puisque la faim se généralise dans l'ensemble du tiers-monde. Une autre chose que n'a pas vu Marx, c'est la limite des ressources naturelles. Marx n'avait pas lu le rapport du Club de Rome, Halte à la croissance, puisque celui-ci est paru en 1972, il y a 3 ans, naturellement. Nous savons maintenant que le monde est une petite planète, nous savons maintenant que cette petite planète a des ressources minérales, pétrolières, énergétiques, et naturel, en sol et en eau limitée, en phosphate limitée. Nous savons maintenant que le monde ne peut pas étendre sa production indéfiniment. Le Club de Rome nous a dit, si vous continuez le mouvement démographique actuel, et si vous continuez l'augmentation de la croissance industrielle au rythme exponentiel actuel, vous allez à la catastrophe avant le milieu du siècle prochain. Nous sommes maintenant à la porte de la catastrophe. Henri Peignaruiz, alors là, René Dumont, lui, pointe au contraire tout ce que Marx n'aurait pas vu. Mais alors écoutez, quand j'écoute René Dumont en 1975, il taxe Marx d'anachronisme ou de pensée dépassée, mais lui aussi est dépassé, monsieur Dumont. D'ailleurs, il y a une première chose que je voudrais remarquer dans ces affirmations, c'est qu'à aucun moment le point de vue de la classe sociale ou de la lutte des classes n'intervient. Parce que l'abondance, elle est pour les uns, mais la rareté, elle est pour les autres. C'est-à-dire que Marx a bien vu que l'abondance de son temps, elle profitait aux propriétaires des moyens de production, à ce qu'il appelait les bourgeois, aux hommes aux écus, comme il le dit. Mais il a dit aussi que pour les autres, c'était la rareté, et que la famine, elle existait au niveau des frontières sociales, et pas seulement de la globalité du monde. Donc je suis quand même assez surpris d'ailleurs quand j'entends René Dumont là avec la distance du caractère dépassé de ses propres thèses. En plus, je trouve qu'il n'est pas juste de dire qu'il n'a pas vu la question de la limitation. Il l'a vu, la question de la limitation, mais simplement il a dit dans certaines branches on ne devrait pas produire plus. Dans d'autres branches, il faudrait produire plus. Donc, c'est sélectif. La croissance ou la décroissance, l'opposition entre croissance et décroissance est abstraite, tant qu'on ne dit pas de quel bien il s'agit. Et pourquoi on produit ou on ne produit pas. Donc, je trouve que là, il est très sévère. Il faudrait lire Dumont à partir d'Amartya Sen, le grand économiste indien qui a dénoncé le fait qu'à côté de stocks, de silos pleins de céréales, il peut y avoir à quelques kilomètres de là des populations qui souffrent de la famine. Donc la question là, c'est pas d'une insuffisance du globe ou de la planète, c'est d'une inégale répartition. Des biens et des richesses produites. Henri Peignervis en est peut-être... Or, Marx l'a vu, cette question de l'inégalité. Henri Peignervis, c'est peut-être une question méthodologique qui se pose, à la fois la nécessité d'actualiser la pensée de Marx au contexte capitaliste qui a énormément muté, et de l'autre, justement, le fait de ne pas lui faire dire ce qu'il n'aurait pas dit, ou ne pas extrapoler. Les questions, certes, des ressources, du gâchis, ont été analysées par Marx à travers la question des crises de surproduction, par exemple, et est-ce qu'elles étaient pour autant son objet d'étude et l'objet d'une théorie écologiste ? Alors, dans mon livre, je n'ai jamais dit qu'il fallait appliquer mécaniquement. D'ailleurs, Marx lui-même avait une pensée de l'histoire. Et d'ailleurs, quand son gendre, Lafargue, dit « je suis marxiste », Marx lui dit « moi, je ne suis pas marxiste ». Il veut dire par là qu'il ne s'agit pas de constituer la pensée de Marx en un dogme inamovible, etc. D'ailleurs, lui-même, de son vivant, a révisé un texte. Le manifeste du Parti communiste disait « il faut s'emparer de la machine d'État et la mettre au service de la classe ouvrière ». Et à la lumière de la Commune de Paris, 1871, les communards de Paris inaugurent une nouvelle façon de concevoir la politique et l'État. Et Marx dit « nous nous sommes trompés avec Friedrich Engels ». Il ne faut pas seulement que la classe ouvrière s'empare de l'État et fasse fonctionner cet État avec d'autres finalités. Il faut qu'elle brise cette machine d'État et qu'elle lui substitue d'autres régulations. D'autres régulations. Donc Marx lui-même aurait refusé tout dogmatisme qui érigerait une théorie en quelque chose de définitif. C'est en cela d'ailleurs qu'il est totalement opposable à sa caricature stalinienne, qui a fait beaucoup de mal à l'image du marxisme, mais avec beaucoup d'injustice, parce que si on lit Marx à travers Staline, on n'a aucune chance de le comprendre. Donc effectivement, vous avez raison, il ne faut pas appliquer mécaniquement ce qu'a dit Marx, il faut le transposer. Alors, c'est la question de l'héritage. L'héritage, oui. Qui est celle aussi de l'héritage écologique dont parle Marx, hein, la nécessité de transmettre aux générations futures. Alors, peut-être que, en ce qui concerne justement les pays capitalistes et les rapports de classe qui sont au centre de son œuvre, peut-être que le rapport de classe, il se trouve là, et c'était ce qui était évoqué par René Dumont, entre pays, entre populations de pays ex-colonisés et les pays capitalistes, ceux qu'a pu observer Marx, ceux de la première révolution industrielle, qui se sont servis aussi en matière de ressources. Oui, mais dans les pays ex-colonisés, il y a aussi des inégalités de classe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la question de la lutte des classes perd toute signification à l'échelon national. Elle garde sa signification à l'échelon national, même s'il y a, par ailleurs, avec l'impérialisme, avec le colonialisme, des questions qui se posent entre des nations dites prolétaires et des nations dites capitalistes ou des nations exploiteuses. Bien entendu, avec le colonialisme, on ne peut pas passer sous silence ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui anéantit la pertinence de l'analyse de la lutte des classes au sein de chaque nation par Karl Marx. Je crois que c'est comme ça, je crois qu'il faut le lire, sans prétendre que Marx aurait effectivement tout prévu à l'avance. Tout à l'heure, je le disais, mais j'y insiste parce que c'est une idée qui me paraît importante. Ça sera le mot de la fin. Ah bon, ça sera là. Mais Marx a vu les prémices d'une mondialisation. Il a vu des tendances et, ayant identifié les mécanismes fondamentaux du capitalisme, il a été capable d'en prédire les formes développées. Et c'est pour ça que sa lecture est extraordinairement pertinente, pour notre époque. Ce qui veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on pourra remarquer une certaine analogie entre le troisième âge du capitalisme, celui de la mondialisation ultralibérale, et le premier âge, celui d'un capitalisme absolument dérégulé. Le rêve de certains capitalistes, par exemple de M. Kessler, qui disait « il faut déconstruire le programme du Conseil national de la Résistance », c'est de revenir au XIXe siècle, Et on va drôle devoir de s'arrêter là, Henri Pignarulli. De présenter cela, revenir au 19e siècle pour aborder le 21e siècle. C'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de la fusion de deux géants. Effectivement, l'Union européenne a donné son feu vert le mois dernier au rachat du semencier américain Monsanto par Bayer, le géant allemand de la chimie. Après une enquête habituelle pour ce type de rapprochement, la Commission européenne a simplement demandé à Bayer de vendre une partie de ses activités afin d'empêcher tout risque de distorsion de la concurrence. Parmi les secteurs concernés, les semences, les pesticides et l'agriculture numérique. Et c'est chose faite depuis la semaine dernière avec l'autorisation par la Commission de la vente de ses activités au chimiste allemand BASF pour plus de 6 milliards d'euros. La grande majorité des concentrations ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées avec un exemple de routine, a ainsi précisé l'exécutif européen dans un communiqué. Et donc quel est le problème ? Aucun. Enfin, on peut tout de même s'interroger sur le fait de prendre comme seule variable pour valider un deal d'une telle ampleur, la question de la concurrence. Car outre la construction d'un monopole sur des secteurs aussi essentiels, cette fusion pose aussi la question de la toute-puissance du modèle agro-industriel, porté par les deux colosses de la graine. Or, dans l'examen par la commission de ce rapprochement, nulle mention des critères environnementaux, sociaux ou de santé publique, ni même d'interrogation sur le renforcement du modèle agricole chimico-industriel. On sait pourtant que Monsanto est le promoteur d'un modèle en circuit fermé dont il est le plus grand bénéficiaire. Les Monsanto Papers ont en effet révélé l'étendue du cynisme des pratiques du semencier américain. Au cœur de leur modèle, le Roundup, herbicide extrêmement puissant, à base de glyphosate, si puissant qu'il fut longtemps utilisé avec parcimonie, car en tuant les mauvaises herbes, il détruisait aussi les plantes cultivées. Mais à cela, Monsanto trouve la parade en créant des organismes génétiquement modifiés résistants au Roundup. Pionnier des biotechnologies végétales, à la tête d'une redoutable armée de lobbyistes, Monsanto réussit à imposer l'usage couplé de l'herbicide et des OGM. En 1996, le taux de glyphosate autorisé par les autorités américaines est multiplié par 50. Les ventes explosent, le modèle Monsanto devient incontournable. Il rend les agriculteurs captifs de l'entreprise. Oui, car les agriculteurs recourant aux graines Monsanto ne peuvent plus ressemer à partir de leur récolte. Ils sont contraints d'en racheter à la multinationale qui aurait même créé une police des semences pour traquer les paysans semant ou échanger illégalement les graines qu'ils récoltent. Mais au-delà de ce cercle vicieux dans lequel tombent les agriculteurs, se pose aussi la question des conséquences d'un tel modèle sur l'environnement. Ainsi, l'intensification des pratiques agricoles et le déversement de millions de litres de pesticides et d'herbicides est à l'origine d'une perte de matières organiques, un appauvrissement des sols et une baisse de la biodiversité. Les dérives d'une agriculture capitaliste dénoncées en son temps par Marx. Mais oui, Karl Marx est en effet inspiré des travaux du chimiste allemand Justus von Liebig qui présente l'agriculture comme un système de vol car les fermiers, cherchant un profit maximum, font absorber autant de nutriments que possible au sol pour en améliorer le rendement. Mais cela ne tient que sur le court terme, car en négligeant la reconstitution naturelle des nutriments, le sol s'épuise, laissant aux générations futures d'infertiles cultures. Repris par Marx dans Le Capital, cette analyse semble aujourd'hui prophétique, tant elle annonce les dérives de l'agro-industrie. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. J'ai plus de stress, mais la vie me joue des tours. Tu vois, je m'engraisse et j'arrête pas les détours. Les jours J, c'est pas que je rougis, mais j'oublie. La vie, mon joujou, plein de rencontres et de bises sur mes joues, vestiges d'un passé qui fut mon bijou. Maintenant, je joue avec ma mémoire à genoux et j'en joue. Mes vieux décors sans tête, je jongle avec des visages sur des corps sans tête. Plus de plomb dans la tête que des mirages et des plumes qui me rendent bête. Me donne un destin léger, me laisse en marge allongée. Je contourne les obstacles tant que je peux, mais le compteur tourne, m'amène au point critique, au point que je nécessite une aide médicale, c'est le hic. Bestial, je combats au point que je crie, et des tics shop, hérétique flop, j'écrivais hip hop. Amène-moi une bière ou une civière que je m'échoue, des béquilles ou des quilles dans les choux. Un nuage d'images floues, je pars en vrac avec mon bic. bac empoché pic, sac automatique, lac de l'arme antique, décabrac, ODZM, tic-tac. Merci Henri Peña-Ruiz. Je rappelle le titre de votre livre, Karl Marx, penseur de l'écologie. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. On peut également retrouver vos précédents ouvrages consacrés aux théoriciens allemands, Marx quand même, et Entretien avec Karl Marx, tous deux parus chez Plon. Vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour un débat consacré à marxisme et féminisme. Comme ce faux cul qui squatte sa chaise au bout de la rue, qui m'a vu. Salut, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans vendu. Tu devais payer ta bière au PMU de l'avenue.